Le rassemblement central péruvien pour la journée du soleil a eu lieu le 7 courant à Lima. Il en prépare les personnalités de divers partis politiques, formations et établissements, notamment le président du Front populaire des ouvriers, paysans et étudiants, co-président du comité préparatoire régional de l'Amérique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017, le secrétaire général du cercle péruvien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme, autres habitants et l'ambassadeur coréen au Pérou et ses collaborateurs. Les orateurs ont indiqué que le président Kim Il-sung était vraiment le grand leader et le père affectueux du peuple coréen et l'homme politique sans pareil qui a été vénéré infiniment par tout le monde. Et ils ont exalté vivement le grand homme sans égal qui a accompli les exploits immortels.